Chapitre 6e. Bill Cody arrive à ses fins. Nous avons laissé notre juvénile héros dans une situation désespérée. Retournons vers lui. La panthère rampante s'était reculée avec un gris de rage lorsque, avant d'avoir pu tirer, il avait vu sa carabine si brusquement brisée dans sa main. Il tenait encore dans sa droite la crosse de l'arme fracassée. Les autres Indiens, dont le cruel divertissement avait été ainsi interrompu à l'improviste, protestaient également par des cris. Ils se pressaient autour de l'homme attaché au poteau du supplice. Ils auraient mieux aimé perdre la vie que devoir mettre en liberté la victime dédiée à la mort. Mais, comme un éclair, Jesse James, avec une poignée de fidèles, s'était élancé vers le poteau. Ils savaient monter à cheval, ces hardis voleurs, c'était un fait. Bill Cody lui-même, qui dans cette extrémité n'avait plus grande attention à donner aux frivolités de la terre, et pour qui l'apparition du bandit présageait quelque chose de pire que les tortures subies et à subir au poteau du supplice, ne put s'empêcher de le remarquer. Par un mouvement doublement habile en ce qu'il était irrésistible et paraissait involontaire, l'audacieux bandit et ses hommes réussirent à passer à travers les Indiens de façon à se placer entre ceux-ci et la victime attachée au poteau. Là, Jesse James resta immobile comme s'il eût été coulé en fonte sur son cheval fumant. « Arrière, là !» cria le chef indien, grinçant des dents. « Le visage pâle n'a pas le droit de s'introduire ici. »« Sottise !» riposta Jesse James avec un pli ironique aux lèvres, tandis que ses yeux sombres se portaient en clignotant avec arrogance sur l'Indien furieux. « Je ne m'appellerai pas Jesse James si je passais mon temps à m'inquiéter de ce qu'on appelle le droit. Je suis ici et j'y reste. Si vos crânes vous sont chers, n'essayez pas de remuer un doigt contre moi. Mais ce visage pâle est mon prisonnier. J'ai juré de le faire mourir au poteau, » insista la panthère rampante, bouillante fureur. Puissent tous les saints du paradis te pardonner ce parjure, répliqua Jesse James, sardonique. En même temps, il se leva sur la selle, et l'expression de son visage de bronze apparut vraiment terrible. Cet homme est à moi, cria-t-il au chef, en indiquant Bill de son bras tendu. Quiconque fait seulement mine de me résister plus longtemps est un homme mort. L'Indien eut un rire venimeux. Il était allé de l'un à l'autre parmi ceux de sa race, et il avait pris avec eux des arrangements mystérieux à l'insu des bandits. Évidemment, il s'était efforcé de les exciter à s'opposer à la volonté de l'homme qui avait si inopinément brouillé leur jeu. Il est vrai que la panthère rampante était un jeune chef, et qu'à cause de ses manières tranchantes et impérieuses, il n'était pas très aimé parmi ceux de sa race. D'un autre côté, Jesse James jouissait chez les Peaux-Rouges d'une si terrible réputation, on prétendait qu'il était doué d'une force surnaturelle, qu'aucun de ces hardis enfants de la prairie n'éprouvait le moindre plaisir à se déclarer ouvertement contre lui. Avec un rire qui exprimait l'orgueil et le contentement de soi, Jesse James avait remarqué parmi les Peaux-Rouges ce mouvement d'hésitation et de recul. « La vie de cet homme m'appartient, » répéta-t-il, et sa voix puissante remplit tout le campement. « J'ai sur lui un droit plus ancien que vous. »« Mais il a massacré nos frères !» riposta le chef d'une voix bien proche du hurlement. « Ça ne fait rien !» persista James avec son rire effrayant. « Avant d'en venir là, il s'était saisi de ma propriété, il m'avait ravi une jeune fille, mis la confusion dans ma brave troupe, volé mes meilleurs chevaux, et par conséquent il doit passer devant ma justice. » La panthère rampante leva les yeux et les sourcils. « Nous avons trouvé une jeune fille près de lui. »« Je sais. Vous chassiez pour Don Ramiro, dit le bandit, toujours riant. « Eh bien, le Seigneur vous donnera votre compte si vous osez encore dire seulement un mot contre moi. »« Le Seigneur ?» murmura le chef, sur les traits duquel une expression de soumission craintive se répandit aussitôt. « Oui, certes, votre Seigneur. » répéta Jesse James avec le même rire sarcastique. « J'étais aux trousses de ce garçon-là. J'ai appris que d'un de vos espions ce qui s'était passé. La jeune fille se trouve déjà au pouvoir du Seigneur. » La colère et la consternation se lisaient sur le visage du chef. « La jeune fille m'appartient !» s'écria-t-il douloureusement. « La panthère rampante est un grand chef. La colombe blanche sera la fleur de sa tente. » « La panthère rampante est un grand bélitre. Il peut faire peindre à l'huile sa colombe et la pendre dans sa tente en fiche de consolation. grommela Jesse James, riant ironiquement dans sa barbe, sans s'émouvoir des yeux flambants du désir de la vengeance que l'Indien raillé fixait sur lui. En attendant, la colombe blanche appartient au seigneur, par ordre de qui je suis allé l'arracher à l'hôtel de l'Hyménée. Et si ça ne te convient pas et que ta peau rouge te démange, tu peux aller te plaindre, seigneur. Prends bien garde, toutefois, qu'il ne donne ton cuir à tanner pour en faire un lasso. Blême, l'œil chargé de méchanceté et de perfidie, la panthère rampante se retira. Une colère impuissante, mais immense, bouillonnait dans sa poitrine. Seulement, il ne se risquait plus à donner issue à ses sentiments. Ses yeux aigus et étincelants en disaient long, il est vrai, quand il se retourna pour voir le bandit s'éloigner. Une haine mortelle et inextinguible en débordait. Jesse James avait humilié et tourné en ridicule le chef devant ceux de son peuple. Un peau rouge ne pardonne pas cela, la panthère rampante moins qu'un autre encore, parce qu'il était plus vindicatif. Mais il se résignait à attendre que son heure fût venue. « Chaque chien a son jour, » dit un proverbe indien. Et ce sauvage, âpre à la vengeance, savait que pour lui aussi le jour terrible de la rétribution viendrait. Cependant, Jesse James s'était retourné vers notre jeune héros qui, dans l'intervalle, était resté au poteau, presque oublié. « Donnez à ce gaillard une bonne goutte de whisky. Ça lui fera plus d'effet qu'une bénédiction, » ordonna-t-il d'une voix rauque. Il a une mine si pitoyable, ce hibou-là, qu'on dirait une péronnelle poitrinaire, prête à tomber en défaillance à la première occasion. On aurait tort de s'y fier trop tout de même. » Un des bandits sauta bas de son cheval et présenta son flacon d'eau-de-vie aux lèvres de Bill. Mais le jeune homme fit un geste de refus en éloignant violemment la tête. « Je vous remercie, mais de vous et de votre seigneur, je ne peux accepter une goutte. » « De votre main, le rafraîchissement se changerait en poison » cria-t-il, plein d'une noble colère. « Faites-lui avaler la médecine !» répéta le capitaine en colère. Deux de ses hardis compagnons se jetèrent sur le jeune homme sans défense, qui, bien qu'il pût à peine la remuer, écartait la tête de toute son énergie. Mais ses efforts ne pouvaient avoir grand effet. L'un des bandits lui empoigna la tête de ses mains robustes et la tira violemment en arrière. L'autre s'empressa de lui fourrer rudement le goulot du flacon entre les lèvres. La liqueur déborda sur les joues et jusque sur le nez. Le jeune homme tâchait de tenir les voies respiratoires fermées. Il en avait déjà le visage d'un bleu noir. Mais à la fin, sa vigoureuse et saine nature l'emporta. Il respira profondément et ne put empêcher qu'une certaine quantité de whisky ne coulât en même temps dans son gosier. Bill Cody détestait toutes les liqueurs fortes. C'était la première fois de sa vie que ses lèvres entraient en contact avec cette boisson pernicieuse qu'est l'eau-de-vie. Introduite de force en sa bouche, elle courut comme un torrent de feu dans ses membres. La force vitale de Bill, amoindrie par les terribles épreuves de ses dernières heures et arrivée au dernier degré de l'épuisement, se renouvela sous cette influence. Riant de son rire insolent, Jesse James toisait de l'œil le prisonnier sans défense. « Holà, mon gaillard! « Est-ce que nous ne sommes pas de vieilles connaissances, dis-moi » cria-t-il à Bill Cody. Mais Bill soutint son menaçant regard, qui avait inspiré l'effroi à tant de gens et mis la mort dans tant de cœurs tendres. « Nous ne sommes pas des connaissances, car être une connaissance de Jesse James me ferait monter le rouge aux joues, » répondit le jeune homme en élevant la voix. « Mais moi je vous connais. Vous êtes l'artisan exécré de la mort de mon père. C'est sur votre ordre que le méprisable Charles Dunn a dirigé l'arme mortelle contre sa tête chérie. Et pour cela, sois maudit, infâme Jesse James. « Bien rugi, lion !» gronda pour toute réponse, avec un rire hideux, le bandit chez qui était éteint depuis longtemps tout sentiment humain. « Dommage que je fasse si peu de cas de ces beaux discours. On me les a hurlés déjà 100 fois. Et cependant les tiens me chatouillent agréablement le tympan. Tu me plais, l'ami. « Malgré ton langage, ou peut-être à cause de cela même. Ton langue est chaude et affilée. Tu as joliment fait la barbe à ce veau de Charles Dunn. Mais tu ne la lui feras pas une seconde fois, car le brave Dunn est déjà devenu un mignon petit ange, c'est-à-dire que je l'ai fait pendre. Et quant à ce qui te concerne, mon petit ami... » Ici sa voix devint plus sévère. « Eh bien... « C'est un sort beaucoup plus terrible qui m'attend. interrompit Bill Cody. « Je le sais. Qui pourrait prétendre à la pitié d'un Jesse James ? Un tigre montrerait de la générosité plutôt que vous. » « Tu as une fois de plus mis dans le mille, mon jeune gaillard, » répondit le bandit d'un air de bonne humeur. Cependant, la ligne perpendiculaire marquée entre ses sourcils se creusait. C'était un signe que ses compagnons connaissaient et redoutaient comme l'indice le plus sûr d'une fureur qui s'accumulait et allait bientôt éclater en frénétique violence. Il reprit « Tu as raison, l'ami. Je ne connais pas la compassion et plus un cap en braille et jeun, plus je me sens à l'aise pour lui régler son compte en m'amusant. Juste comme mes amis les peaux rouges ici présents, dont j'ai appris comment il faut se comporter avec ses ennemis. » En disant ces derniers mots, il s'était tourné vers les Indiens. Ceux-ci, qui avaient jusque-là joué le rôle de spectateurs muets, ne lui ménagèrent pas leur approbation. La panthère rampante seule resta tournée à l'écart. Son visage, taillé à coups de serpe et devenu sinistre, ne changea pas d'expression, et ses lèvres demeurèrent immobiles comme s'ils eussent été de pierre. Notre jeune héros garda également le silence. Un sentiment d'horreur tel qu'il n'en avait pas encore éprouvé lui serrait la gorge. Il ne répondit à Jesse James que par un regard de défi, présentant d'ailleurs au badaud farouche qui l'entourait une physionomie calme et impassible, comme s'il n'eût pas été la personne la plus cruellement intéressée dans le drame qui se déroulait. « Oui, ma foi, tu me plais, l'ami, » répéta encore Jesse James. « Je pourrais te faire pendiller aussi au bout d'une branche, ou ne pas troubler davantage par mon intervention mes amis, les peaux rouges, dans leur judicieux plaisir. Ce serait sans doute tout à fait réjouissant de me donner le spectacle de tes tortures. Mais après tout, il y a assez d'autres gaillards comme Charles Dunn. On en trouve toujours 12 à la douzaine, tandis que toi... Enfin, tu me plais. Tu es un moineau franc, et tu n'as pas peur de me dire des choses désagréables en face. Eh bien, tu ne sais pas ? Jure-moi fidélité, et non seulement tu conserves ta vie, mais tout jeune que tu es, tu deviens un des premiers dans les rangs de mes hommes, et ta part de butin ne sera pas maigre, je te le promets. Ça va-t-il ? Bill Cody se mit à rire. La proposition qui lui était faite lui paraissait si monstrueuse et si méprisable qu'il ne la jugea pas digne d'une réponse. C'est bien toi, le petit courrier qu'il y a 2 ans partagea ma chute de diligence ? Demanda le bandit, toujours d'excellente humeur. Un éclair passa dans les yeux de Bill. Vous pouvez ajouter que c'est aussi moi qui vous ai fait dégringoler comme un chat de la locomotive de ce train express que vous vouliez piller avec votre bande l'hiver dernier. Damnation ! À ce souvenir, le visage du voleur devint terreux. Pendant plusieurs secondes, il lutta pour maîtriser la colère qui l'envahissait. « C'était toi ? » fit-il enfin. « Sais-tu que j'ai dû garder le lit pendant des semaines, en attendant que mes os fussent guéris ?»« Je le sais, » dit Bill avec un rire de légitime satisfaction. « Je regrette cependant une chose, c'est de n'avoir pas frappé plus juste et plus fort. Je voudrais que vous fussiez resté couché jusqu'au jour du jugement dernier, pour vous promener ensuite dans l'enfer. Ah, vrai, je serais bien content. » À la fin, cependant, le hardi langage de Bill cessa de plaire à ce capitaine de Forban. Jesse James était habitué à voir les hommes l'approcher à genoux ou courir çà et là comme un troupeau affolé au seul bruit de son nom. « En voilà assez !» grommela-t-il. « Fais attention à toi, pinson bavard, et décide-toi. Les Indiens poursuivront-ils leurs divertissements nationaux ou bien consens-tu à me prêter un serment de fidélité et aussi à le tenir ? Sache bien, en tout cas, qu'il n'y a pas de châtiment assez terrible pour punir un manque de foi à mon égard. Jusqu'ici, il n'est pas un traître qui n'ait reçu la mort de ma propre main. » Bill Cody regardait en face, sans sourciller, ce redouté bandit dont la colère contractait les traits. « Ce n'est qu'un affront de plus, » dit-il avec calme, comme s'il s'agissait de quelque chose de tout à fait en dehors de lui, et que ses paroles ne fussent pas un arrêt contre sa propre existence. « Pourquoi vous mêlez-vous de cette affaire, après tout ? Allons, panthère rampante, indien malhabile et lourdeau, prends un fusil et tire mieux. » Un grimaçant sourire se jouait sur les lèvres de Jesse James. Il poussa son cheval tout près du captif. Quoi ? Dit-il, et les mots sortaient de sa bouche comme un sifflement. « Tu ne veux pas de ma grâce ? Tu préfères mourir ?»« Vous le dites vous-même. Pourquoi donc le demander ?» répliqua Bill intrépidement d'une voix sonore. Le bandit ne put retenir un rauque cri de rage. Il avait saisi un pistolet et il en donna au malheureux Bill un terrible coup de crosse sur la tête. Sous la violence du choc, Bill vacilla. Il se serait abattu sur les genoux si les solides et souples liens d'écorce ne l'avaient fortement retenu au poteau du supplice. Il lui fallut quelques minutes pour remettre ses esprits de l'étourdissement où cet odieux traitement l'avait jeté. « Voilà qui vous ressemble bien, Jesse James, » dit-il, les lèvres frémissantes. « Frapper un homme enchaîné, sans défense, dont la mort prochaine est certaine, et dont par conséquent on n'a plus à craindre la vengeance, scélérat. Si le ciel voulait que je puisse échapper encore une fois, c'est la vérité que je dis, Jesse James, je te ferai payer ce coup-là. Je n'aurai ni paix ni repos avant d'avoir lavé dans ton sang l'affront que tu viens de me faire. » Sa seigneurie désire peut-être autre chose ? Demanda le bandit, sur les traits duquel avaient disparu les derniers vestiges de sentiments humains. Tu peux maintenant prier, et supplier, et pleurer, comme un chien géniard. Je sais ce que vaut ton esprit têtu, et je n'ai plus envie de t'avoir jamais pour compagnon. Il se tourna sur la selle et fit un signe de l'œil à la panthère rampante, dont le regard aux aguets ne perdait pas un mouvement autour de lui. Qu'y a-t-il ? « Que veut le capitaine des visages pâles ? » demanda-t-il avec assez peu d'empressement. « Continue ta besogne, farceur rouge, » répliqua le bandit avec un rire rauque. « Il est vrai que j'ai des droits antérieurs sur le particulier, mais je ne saurais peut-être pas le torturer à mort avec la même maîtrise. En tout cas, fais de ton mieux. J'ai vu une fois un petit travail de ce genre. On avait entouré celui qui était au poteau de supplice de torches enflammées, et les assistants arrivaient l'un après l'autre, en courant, et chacun lui enfonçait dans le corps une torche par son extrémité pointue. C'était vraiment très divertissant à voir, et ça nous a fait passer un bon quart d'heure. Ce que dit le chef blanc, il y a longtemps que la panthère rampante le sait. C'est un grand chef. Il est capable d'imaginer de meilleures tortures. Le chef blanc peut s'étendre sur l'herbe et regarder, il sera content. L'Indien frappa dans ses mains. Immédiatement, tous ceux de son sang se rassemblèrent autour de lui. Il leur adressa rapidement quelques mots à voix basse. Alors, les jeunes guerriers se dispersèrent, employant à des occupations diverses et déterminées leur activité meurtrière. Les uns entassaient des pierres en un même lieu. D'autres en construisaient une sorte de four ouvert. D'autres arrivaient, essoufflés sous leur fardeau de bois brûlé, tandis que d'autres encore traînaient jusqu'au foyer des flèches et des lances de fer. Partout alentour régnait une animation farouche. Le capitaine des bandits, accroupi dans l'herbe, tout près du malheureux Bill, n'était pas chiche d'encouragement et d'exclamations enthousiastes. Mais Bill Cody, contre qui tous ses préparatifs étaient dirigés, restait tranquille et maître de lui. Il ne pensait guère aux tortures diaboliquement inventées, destiné à déchirer tout à l'heure son jeune corps. Son esprit était bien ailleurs. Maintenant qu'il en avait fini avec la vie, et que les compagnons des jours de sa jeunesse étaient retirés à l'arrière, tout au premier plan de son esprit surgissait l'image de sa mère. Pauvre chère mère, elle ne pourrait pas, à l'heure de sa mort, serrer encore une fois sur son cœur son fils bien-aimé. Il fallait qu'il se résignât à ce cœur entré dans l'immobilité éternelle, sans avoir donné la bénédiction suprême au fils absent. Bill Cody avait toujours été un bon fils, et il avait, comme il est habituel chez tous les hommes vraiment grands et supérieurs, entouré sa mère de vénération et d'un amour confiant et fanatique. Et maintenant il ne pourrait même lui rendre les derniers devoirs, lui offrir les dernières marques de sa filiale tendresse. Il fallait la précéder peut-être dans le chemin qui conduit au pays éblouissant d'étoiles, des confins duquel jamais voyageur n'est revenu. Cette pensée, qui l'entraînait bien loin des horreurs présentes, lui arracha un soupir. Aussitôt le rire rauque et sardonique du capitaine des bandits résonna à ses oreilles et il leva les yeux, surpris et troublé. « Ah ! Le bonhomme commence déjà à soupirer !» s'écria Jesse James avec une joie diabolique. Dès que les pointes des flèches rougies au feu lui roussiront la peau, il piaillera comme un petit rat. « Vous mentez, Jesse James, » interrompit Bill Cody, parfaitement calme, mais d'un ton tranchant et plein de mépris. « Si vous n'étiez pas un monstre altéré de sang et dépourvu de tout sentiment humain, vous seriez saisi de respect en apprenant de ma bouche que j'étais en route vers ma mère mourante pour prendre congé d'elle et lui fermer les yeux. C'est la pensée de cet être chéri qui me remplissait le cœur et m'a fait soupirer. Quant à la mort, vous la craignez plus que moi. » Cependant, Jesse James, depuis le commencement de cette scène, avait fréquemment donné l'accolade aux flacons d'eau-de-vie qui circulaient parmi les bandits. Il se leva d'un mouvement mal assuré en poussant une sauvage imprécation. « En voilà une bonne bouffonnerie » cria-t-il. « Ça n'est pas sorti de la coquille et ça veut m'originer les hommes. Encore un mot d'insulte, gamin, et c'est moi qui te plante le premier fer rougi dans le corps. » Il courut en trébuchant au feu que les Indiens entretenaient. Il en arracha une lance dont le fer était déjà chauffé à blanc. Mais Bill Cody soutint sans peur le regard que le brutal bandit fixait sur lui de ses yeux striés de sang. « Plante donc, misérable » cria-t-il d'une voix retentissante. « Tu ne m'effraies pas. Je ris de toi jusque dans la mort, étrangleur de femmes et d'enfants. Je ris et te méprise. » Jesse James, hors de lui, poussa un cri de rage en se voyant si cruellement insulté en présence de ses hommes. Dans un geste de frénésie indescriptible, il brandit la lance fumante. C'en était fait de Bill. Quelques Indiens voulurent bien s'opposer aux bandits qui allaient leur ravir la victime. Mais Jesse James repoussa d'un bras vigoureux ceux qui se mettaient devant lui. Il leva de nouveau la lance. En moins d'une seconde, elle allait, sous l'impulsion violente de son bras, s'échapper en sifflant de sa main ouverte et pénétrer avec un grincement de chair grillée dans le corps du jeune homme. Mais à ce moment, se plaça entre celui-ci et le forcené une haute figure qui sembla surgir du sol. C'était Don Ramiro. La vérité est que, depuis quelque temps déjà, il était entré dans le campement indien avec ses deux chefs et Louisa sans être remarqué. Les gardes l'avaient reçu et salué avec une profonde soumission. Les Indiens qui faisaient le cercle plièrent un genou devant le seigneur, qui se faisait si inopinément visible parmi eux. Jesse James ne les imita point. Celui-là n'était pas accoutumé à se laisser dicter des lois, ni à recevoir des ordres. « Hors du chemin, Don Ramiro » cria-t-il violemment. « Il faut que je tue cet effronté gamana, il le faut !»« Vous allez laisser cela provisoirement, » dit froidement Don Ramiro, qui se tenait debout, les bras croisés, et qui le regardait avec la mine sévère d'un justicier. « À bas, la lance !» L'audacieux bandit proféra un blasphème. « Mort et damnation » s'écria-t-il, affolé de rage. « Hors de chemin, ou la pointe de cette lance va trouver votre poitrine, Don Ramiro !» Et il brandit son arme menaçante contre le sang mêlé. Celui-ci resta calme. Il ne montrait pas la même inquiétude que tout à l'heure dans le souterrain de la mine. Au milieu de ces Indiens, il se sentait parfaitement en sûreté. Et de fait, avant même qu'il eût fait un signe de l'œil, une douzaine de peaux rouges s'étaient précipitées avec un hurlement strident entre lui et le desperado. Ils s'accrochèrent à ce dernier, l'assaillirent de tous les côtés à la fois, et avant même de savoir juste ce qui lui arrivait, Jesse James était jeté sur les genoux et la panthère rampante se penchait au-dessus de lui, le tomahawk levé, n'attendant qu'un signe pour donner le coup de mort. Les hommes de Jesse James, déconcertés tout d'abord, faisaient mine de dégainer. Mais Don Ramiro les arrêta d'un signe en souriant. « Pas d'agitation, messieurs. Nous sommes confédérés, je pense, » dit-il poliment. Il se tourna vers le chef. « Êtes-vous hors de votre bon sens, mes amis ?»« Écartez-vous de cet excellent Jesse James, qui est mon ami, lui aussi, tout cela n'est qu'un malentendu. » Les Indiens, d'ordinaire si tenaces, se montrèrent soumis comme des chiens. Ils s'éloignèrent de Jesse James aussi promptement qu'ils l'avaient assailli et terrassé. Fortement troublé, et pouvant à peine se rendre compte de ce qui venait de lui arriver, le bandit était debout, immobile. Don Ramiro s'avança rapidement vers lui. Avec un sourire prévenant, il lui tendit la main. « Nous restons amis, Jesse James, » fit-il d'un air aimable. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais le bandit irrité refusa la main qu'on lui offrait. « Je ne suis plus votre ami et... je le regretterai beaucoup. dit le sang-mêlé en lui coupant la parole. Mais peut-être aurez-vous encore la bonté d'entendre quelques mots de moi, entre quatre yeux, comme on dit. » Là-dessus, malgré sa résistance, il conduisit le bandit quelques pas à l'écart. Là, il lui parla, la bouche riante. Il riait. Mais ce qu'il disait devait avoir un son bien terrible, car les bandits voyaient de leurs yeux leur chef blêmir et frissonner. Jesse James fixa sur Don Ramiro un regard plein d'horreur et d'effroi. Soudain, il s'inclina et mit de bonne grâce sa main dans la main qui lui était offerte de nouveau. Bill Cody n'avait pas perdu le moindre détail de cette scène. À la vérité, il n'avait pas pu comprendre les paroles échangées entre les deux hommes. Mais leur regard de son côté lui avait donné la conviction que leur conversation avait roulé principalement sur lui. Qui était ce mystérieux étranger que ces Indiens sanguinaires n'approchaient qu'avec un respect craintif et dont les paroles faisaient plier même un Jesse James? Avant que Bill Cody eût pu revenir de son étonnement, il aperçut Louisa qui, bien que garrottée, était saine et sauve, assise sur son cheval. Près du cheval étaient aussi restées les autres montures, pendant que les deux chefs, mêlés aux Indiens, se livraient à une conversation très active. Ranimé par la joie, Bill pesait sans le savoir sur ses liens. À son grand étonnement, il remarqua qu'il cédait, bien qu'il eût été ficelé et noué très serré à la manière des Indiens. Le jeune homme résigné à la mort ne s'était nullement aperçu que Jesse James, dans ses gesticulations, avait effleuré de sa lance rougie au feu la corde qui s'était roussie au contact. Mais à ce moment, un désir farouche de brûler la politesse à tous ses ennemis massés en rond s'empara de notre jeune héros. Avec de grandes précautions, il retira des nœuds devenus lâches ses membres, l'un après l'autre. Le lasso détendu tomba sans bruit dans l'herbe. Il était libre. Bondissant comme un chien détaché de sa chaîne, Bill s'élança vers le lieu où Louisa attendait. L'instant d'après, il avait enfourché le cheval de Don Ramiro. Le poussant les talons au flanc, il saisit, d'un mouvement prompt comme l'éclair, les rênes du cheval de Louisa avec les siennes, et les voilà partis, rapides comme une flèche. Toute l'affaire s'était passée avec une telle vitesse que la plupart des assistants s'en aperçurent à peine, d'autant plus que tous les regards étaient dirigés vers le seigneur et vers le chef des bandits. Cependant, Jesse James et les Peaux-Rouges revinrent bientôt au sentiment de la réalité. Un effroyable concert de cris et de blasphèmes se fit entendre. Tous coururent aux bêtes attachées à quelque distance pour commencer à poursuivre des fugitifs. Ces quelques minutes avaient donné de l'avance aux deux jeunes gens. Ils voyaient la possibilité de mettre leur vie en sûreté par une fuite rapide, et cet espoir les faisait filer comme le vent. Mais d'affreux cris de guerre ne tardèrent pas à frapper leurs oreilles. On leur tirait des flèches qu'ils entendaient vibrer et cliqueter derrière eux. Ce n'était pas le moment des récits et des explications. Il s'agissait avant tout d'atteindre vite le fort, peu éloigné de Leavenworth. La chance se déclarait pour eux. La rougeur du soir n'était pas complètement obscurcie quand Bill Cody et sa compagne virent le profil du fort se dessiner à l'horizon. Ceux qui les poursuivaient durent, le cœur brûlé de rage, se résigner à ne pas les joindre. La distance qui les séparait était devenue absolument irréductible, car ils n'osaient pas s'aventurer trop près du fort. Un quart d'heure plus tard, Bill était reçu par les avant-postes étonnés et conduit sans retard devant le général. « Envoyé du fort Hayes ? » demanda-t-il aussitôt. D'un regard stupéfait, il examinait la personne de cet envoyé. Il s'étonnait du visage juvénile et délicat de Bill, qui avait osé entreprendre cette chevauchée à travers des dangers terribles. Le vêtement déchiré, couvert de plusieurs couches de poussière et de boue, le bras suspendu dans une écharpe de soie blanche maculée de sang, du tout jeune homme qui se tenait raide devant lui en disait long sur les pénibles épreuves dont le souvenir se cachait là. J'attendais depuis longtemps des nouvelles du général Custer. Je lui ai déjà envoyé plusieurs messagers. Il y a 3 jours que le dernier émissaire est parti d'ici, déclara le général en chef, après une pause employée comme on vient de le dire. Nous devons nous être croisés, répondit Bill Cody. Je n'ai pas pu garder tout le temps la grande route, et j'ai eu quelques petites aventures, où j'ai dû me tirer de mon mieux. Ce fut là tout ce qu'il dit sans qu'on le lui demandât. Cent autres à sa place n'auraient pu résister à la tentation de raconter par gloriole les hauts faits accomplis. Mais Bill Cody aimait, dès ce temps-là, les aventures pour les aventures. Il cherchait le danger pour l'excitation qu'il y trouvait. Que, plus tard, on le sut ou non, cela lui était indifférent. Que dis-je ? S'il avait été le maître, personne n'aurait jamais rien su des actes de courage qu'il prodiguait. Aussi lui fut-il pénible d'avoir besoin, à cause de son bras blessé, d'un secours étranger pour découdre son col d'habit et en retirer les dépêches destinées au général Smith. À peine le général eut-il lu les papiers qu'il donna l'ordre aux officiers et aux hommes de venir tous au rassemblement. « Camarades, leur dit-il alors, je viens d'apprendre par ce messager que le Fort Hayes est en péril. Bill Cody s'est frayé un chemin jusqu'ici en combattant. Il a fait son devoir. C'est à nous maintenant de délivrer le régiment, pressé de trop près des Jennison Jayhawkers. » Ainsi s'achève la course à la mort de Buffalo Bill.